ton âme m'émeut quand tes beaux yeux s'immiscent dans les miens, dansent avec mon destin. Mon être frissonne, je m'abandonne. Cette magie sensuelle m'offre des ailes. Envolons-nous en dessous, envolons-nous au-dessus de tout. Envolons-nous en dessous, au-dessus de tout. Envolons-nous en dessous, envolons-nous au-dessus de tout. Envolons-nous en dessous, au-dessus de tout. Traversons les océans de nos sentiments, parcourons ces montagnes qui font notre chaleur. Et au plus haut des cieux, je verrai dans tes yeux briller en mille feux. Ah, sublime jeu. Envolons-nous en dessous, envolons-nous au-dessus de tout. Envolons-nous en dessous, au-dessus de tout. Envolons-nous en dessous, envolons-nous au-dessus de tout. Envolons-nous en dessous, au-dessus de tout. N'arrête pas de danser. Je veux encore tourbillonner malgré toutes ces années. Nos âmes encore s'aiment très fort. Envolons-nous en dessous, envolons-nous au-dessus de tout. Envolons-nous en dessous, au-dessus de tout. Envolons-nous.